إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 59 dans la lecture du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est le livre avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan qui s'intitule التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. Et donc on est arrivé aujourd'hui à la page 433 du volume 1 et on est donc presque à la fin, comme j'avais expliqué. Il reste à peu près une trentaine de pages et on est au cours numéro 59, le passage numéro 210. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit maintenant wa fi bi'ati ahli al-Yamama wan-Nasa'i يعني والنساء رواه النسائي عن طلق ابن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا الحديث إلى أن قال واتخذناها مسجدا فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالْأَذَانِ. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i dans son sunan selon Talq ibn Ali radiyallahu anhu. Il dit nous sommes sortis en délégation vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous lui avons donné l'allégeance et nous avons fait la salat avec lui et nous lui avons informé que sur notre terre, parce que c'est des gens qui venaient de Al-Yamama, donc ils ont dit sur notre terre il y a une synagogue et donc nous lui avons demandé de nous donner de l'eau de sa purification, c'est-à-dire de l'eau de son wudu. Alors nous avons demandé qu'il nous donne de l'eau, alors il a appelé pour qu'on lui amène de l'eau. Et il a fait son wudu, il a fait al-madmada, puis il en a versé dans un contenant. Et il nous a ordonné en disant, sortez, et lorsque vous arrivez dans votre terre, là où vous habitez, eh bien, détruisez votre synagogue et jetez à cet endroit, à l'endroit où il y avait la synagogue, de cette eau, et faites-en une mosquée. Construisez une mosquée à cet endroit-là. Et dans le hadith en question, ça dit plus tard, et nous, il dit dans le hadith, c'est mentionné dans le hadith, et nous avons pris cet endroit-là comme lieu de, pour établir notre mosquée, et nous avons appelé Fel Azan à cet endroit-là. Donc le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, وكان باليمامة بيعة من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوها إلى مسجد كما في نص هذا الحديث وكونه صلى الله عليه وسلم أعطاهم ماء وضوئه يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة بآثار رسول الله بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه من عرق ووضوء وشعر أما التبرك بغيره من الصالحين فإن هذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه ولأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك وكذلك التبرك بالبقاع والمباني كل هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. Donc le cheikh il dit que les gens de Yamama avaient une synagogue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de la transformer en mosquée, et ça c'est clair dans le hadith en question. Et le fait qu'il leur ait donné de l'eau de son woudou, ça c'est une preuve qu'il est permis de prendre la baraka des reliques et des restes de ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son corps, et qui ont été séparés de lui, comme par exemple de sa sueur ou de son eau avec laquelle il s'est purifié, ou bien de ses cheveux. C'est permis de chercher la bénédiction de ces parties-là ou de ces choses-là. Mais en ce qui concerne de chercher la bénédiction de d'autres choses qui appartiennent à des hommes pieux autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, ce n'est pas permis. Hein? Comme le font par exemple les soufis. Tu trouves par exemple dans certaines turq soufis des gens qui prennent leur cheikh comme s'ils étaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont prendre de son eau, de sa salive, ou bien de ses cheveux, ou des poils, de sa barbe, et ils les utilisent comme un pot de bonheur, ou quelque chose qui donne la baraka ou la bénédiction, ou parfois c'est les murs, hein, ou la canne du cheikh. Il y a un Québécois une fois converti à l'islam. Au début, il était converti. Quand il s'est converti, il était avec les Naqshbandi. Il était avec les soufis de la tariqa Naqshbandiya. Allah al-musta'an. Et on sait que dans cette tariqa, il y a beaucoup de shirk. Il y a beaucoup de bid'a et d'égarements. Hein? Et donc, il dit, j'étais là-bas avec eux, dans leur centre, ou dans leur lieu de rencontre, où ils dansent et ils chantent en groupe, Allah al-musta'an. Et ils étaient dans la cave, en train de chercher, nettoyer des choses. Tout d'un coup, il y en a un qui s'est mis à crier, et il est monté avec une canne. Il était en bas, il a crié qu'il avait trouvé une canne, et lui, le frère qui était converti, il était là en haut avec un autre qui était avec lui. Et quand il a entendu, on a trouvé la canne du cheikh, il est descendu en bas, oui, en courant, en descendant les escaliers. Et le frère québécois converti, il a dit, il était comme choqué et surpris. Pourquoi, ils font toute cette histoire à cause du fait qu'ils ont trouvé la canne du cheikh? Et, subhanallah, c'est parce que ils prennent ça comme un objet de bénédiction, qu'un objet, un objet de baraka. parce que ça appartient au cheikh, donc il y a supposément, d'après eux, il y a une bénédiction dans cette canne, donc ils vont la prendre, ils vont se frotter la canne sur leur corps, sur leurs vêtements, et ils pensent que ça va leur amener de la bénédiction. Alors le cheikh il explique que c'est pas permis de chercher la baraka ou de faire qu'est-ce qu'on appelle at-tabarruk, c'est-à-dire de chercher la bénédiction des choses qui appartiennent à autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui faisaient partie de son corps. Hein? Donc, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il n'y a pas de preuve pour justifier ça dans le Coran et dans la Sunna. Et également parce que ça fait partie des choses qui peuvent amener à tomber dans le shirk. Hein? Et dans le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que également de chercher la bénédiction des lieux, de certains lieux spécifiques ou de certains bâtiments. Il dit tout ça, ce n'est pas permis parce que ce sont des moyens vers le shirk. Parce que la baraka, elle vient d'Allah seulement. Et donc, si tu cherches la baraka de d'autres que Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est une forme de shirk. Hein? Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui bénit et qui peut mettre en quelque chose la bénédiction ou faire de quelque chose une source de bénédiction. Et tu ne peux pas donc prendre quelque chose comme étant une source de bénédiction autre que ce qui a été établi par le Coran et par la Sunna. Et donc on a la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était béni et que tout ce qui était relié à lui était béni aussi. Et donc sa salive, qu'est-ce qui sort de son corps, ses poils, son woudou, et ainsi de suite, oui. Mais des autres parmi les sahaba ou les hommes pieux, non. Et les sahaba, c'est pour ça que tout ce qui sortait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui touchait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils voulaient y toucher. Des fois même, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son woudou, eux, ils prenaient des gouttes d'eau qui tombaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il se frottait avec pour la bénédiction. Et donc ça c'est permis, mais on n'a jamais vu dans les exemples des sahaba que quelqu'un faisait ça avec quelqu'un d'autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sahaba ils faisaient pas ça avec Abu Bakr, ils faisaient pas ça avec Omar, ils faisaient pas ça avec Uthman, ils faisaient pas ça avec Ali radiyallahu anhum ajma'in, ils faisaient pas ça avec aucun d'entre les sahaba. Donc si on ne le fait pas avec les sahaba et les meilleurs après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les sahaba, alors on n'a pas le droit de le faire avec quiconque autre, peu importe son niveau de connaissance et de piété, parce que personne ne peut être plus pieux et plus savant que les sahaba, en particulier Abu Bakr radiyallahu anhu. Et donc ça c'est pour dire que ceux qui font ça avec leurs chouyour ou bien avec des objets, yani des fois il y en a, j'ai vu à la mosquée le masjid al-Nabawi, il y en a des gens qui cherchent la baraka dans les portes de la mosquée, dans les murs de la mosquée, et tu les vois en train de caresser les portes et caresser la, alors que c'est des portes qui ont été parfois qui ont été posées, ça fait même pas ça fait même pas 50 ans que ces portes là sont installées. Il y en a que ça fait moins que ça parce que c'est des nouvelles extensions à la mosquée, donc c'est récent. Hein, ces constructions-là sont récentes. Donc, comment tu vas penser? C'est pas la même qui existait à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il y a des gens qui font n'importe quoi, Allah al-Musta'an. Et ça vient de l'ignorance. Ça vient de l'ignorance et aussi, des fois, ça vient de la passion, du fait de suivre ses passions aveuglément. Donc, le cheikh, il dit ça peut même ramener au shirk. Hein? Et dans le kitab al-Tawhid, on a fait le chapitre sur al-Tabarruk, on a parlé de ça déjà. Le Cheikh il dit وَقَدْ تَلَخَّصَ وَقَدْ تَلَخَّصَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ أَمَاكِنَ الْكُفَّارَ عَلَى نَوْعَيْنَ. النوع الأول ما نزل عليه فيه عذاب فهذا لا يصلى فيه ولا يتخذ مكانا مكان إقامة مثل ديار ثمود ومسجد الضرار. والنوع الثاني ما لم ينزل عليهم فيه عذاب مثل محل اللات في الطائف وبيعة أهل اليمامة، فهذه تحول إلى مساجد يعبد الله فيها وحده لا شريك له. Donc le cheikh il en a résumé dans qu'est-ce qu'on a mentionné au dernier cours, des endroits des kuffars sont de deux catégories. La première catégorie, c'est celle dans lesquelles il y a un châtiment d'Allah qui est tombé. Et dans ces endroits-là, il est interdit de prier. Et on ne prend pas ces endroits-là comme lieu d'établissement. Que ce soit les demeures de Samoud, ou l'endroit où il y avait Masjid al-Dirar, et ainsi de suite. Deuxième catégorie, parmi les exemples des endroits ou des lieux des kuffars, il y a les endroits qui sont des endroits de kuf ou de shirk, mais où il n'y a pas eu de châtiments qui sont tombés, comme par exemple l'endroit où les gens adoraient Al-Lat avant l'islam, dans la ville de Taif, hein, et également la synagogue des gens de Al-Yamama. Eh bien, c'est des endroits qui ont été par la suite transformés en mosquées, dans lesquelles on adorait seulement Allah, sans aucun partenaire. Donc ça, c'est correct. Hein? Donc le cheikh, il dit, « فَإِذَا كَانَتِ الشَّرِيعَةِ » Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, « فَإِذَا كَانَتِ الشَّرِيعَةِ قَدْ جَاءَتْ بِالنَّهِ عَنْ مُشَارَكَةِ الْكُفَّارِ بِالْمَكَانِ الَّذِي حَلَّ بِهِمْ فِيهِ الْعَذَابِ فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها العذاب؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لم نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم أثر عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين، إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو شعار معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر أن يجر إلى المعصية، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ Donc le cheikh il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, donc la charia, si la charia est venue pour interdire de participer à ce que font les kuffars et de rester dans l'endroit où ils habitaient, là où ils ont eu un châtiment, alors que dire de participer avec eux dans les actions qu'ils font, qu'ils ont fait, qui leur ont fait à la base mériter ce châtiment-là? Hein? C'est encore pire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'habiter dans les endroits où les koufars ont reçu un châtiment. Alors, comment tu aurais le droit, dans ce cas-là, de participer avec eux dans les actions qui ont fait qu'ils ont mérité ce châtiment-là? Hein? C'est encore pire. Et ensuite, le cheikh, il dit, si quelqu'un disait, par exemple, cette action, hein, l'action qu'ils font, on les imitait pas dans cette action-là, ce serait pas haram. Si on les imitait pas dans cette action-là qu'ils faisaient, si on les imitait pas dedans, ils disent par exemple, ce serait pas haram, parce que nous on n'a pas fait ça dans le but de leur ressembler. Donc le simple fait d'entrer dans l'endroit en question, c'est pas un péché. Ils disent, ce serait pas un péché. لو تجرد عن كونه أثرهم. Même si ce n'était pas dans les traces de qu'est-ce qu'ils ont laissé. Il dit, on n'a pas voulu par cela leur ressembler. Il dit, mais le fait de leur ressembler ou de participer avec eux dans l'action qu'ils font est plus proche pour mériter le châtiment que d'entrer même dans leur demeure. Donc c'est ça. Cheikh al-Islam, il dit ensuite que tout ce qu'ils font dans ce qui ne fait pas partie des actions des musulmans, tout ce qu'on peut faire dans ce qui ne fait pas partie des actions des musulmans qui ont précédé, donc parmi les actions des koufars, tout ce qu'on peut faire parmi ce qui ne fait pas partie des actions des premiers musulmans, c'est soit du kufr, soit de la désobéissance, soit un des symboles de la mécréance, ou un symbole du péché, ou quelque chose qui donne l'impression du kufr ou du péché, ou quelque chose qu'on peut craindre qu'il va nous faire tomber dans le péché. Et il dit, je ne pense pas que quelqu'un va disputer là-dessus, dans tous ces exemples qu'on vient de mentionner. À propos de Cheikh Al-Fawzan, donc on va lire tout de suite qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a donné comme clarification de ces points-là. Donc il dit, وَقَوْلُهُ فَإِذَا كَانَتِ الشَّرِيعَ قَدْ جَاءَتْ بِالنَّهِ عَنْ مُشَارَكَةِ الْكُفَّارِ بِالْمَكَانَ الَّذِي حَلَّ فِيهِ الْعَذَابِ أي إذا كان قد نهي عن الأمكنة التي حل فيها العذاب للكفار أن يصلى فيها أو أن يستراح فيها فكيف بمشاركتهم في أعمالهم الكفرية وتقاليدهم الفاسدة لا شك أن هذا أعظم وهذا فعل كثير من المسلمين اليوم الذين يتشبهون بالكفار ويقلدونهم كما قالت صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم وفي رواية حتى وإن كان معهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وهذا مما يصنعه الشيطان بالمسلمين أن يغريهم بالتشبه بالكفار لأجل أن يحولهم من دينهم إلى دين الكفار شيئا فشيئا ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ونهانا عن التشبه بهم قطعا للصلة بيننا وبينهم في أمور الدين وأمور العادات التي هي من خصائصهم. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan au sujet du premier point qu'il a cité de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, que si la charia est venue pour nous interdire de participer avec eux dans les endroits où ils étaient, eh bien c'est encore plus interdit de participer avec eux dans les actions qu'ils faisaient. Et Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça en disant que si on a été interdit d'aller dans les endroits où ils ont été châtiés, hein, où les koufars ont été châtiés, et qu'on n'a pas le droit de prier là-bas, et on n'a pas le droit de s'arrêter là-bas pour se reposer même, alors dans ce cas-là, que dire de participer avec eux dans leurs actions de kufr et leurs actions de shirk, et de les imiter dans ces choses-là. Et le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de doute que ça, c'est plus grave encore. Et il dit, et c'est ça que malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui font, quand ils imitent les koufars et quand ils les suivent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, vous allez suivre l'exemple des juifs et des chrétiens, hein, ou il a dit plutôt, vous allez suivre leur exemple, hein, pas à pas, jusqu'à ce que s'ils rentrent dans le trou de lézard, vous allez les suivre. Et dans une autre narration, il a dit, même si un d'entre eux faisait la fornication ou l'adultère avec sa mère, eh bien il y aura dans cette umma quelqu'un qui va le faire aussi. Donc, quand on lui a posé la question, plus tard il a dit, hein, que ce sont les juifs et les chrétiens et les romains et les perses. Donc ça c'est pour dire que ce qu'ils ont fait, c'est l'exemple de ce que le shaitan essaie de faire avec les musulmans, de les tromper à imiter les koufars pour que les musulmans commencent petit à petit à tomber et à suivre la religion des koufars petit à petit sans s'en apercevoir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les contredire et de ne pas les imiter. Il nous a interdit de leur ressembler dans le but de couper tous les liens et les relations qu'il peut y avoir entre eux et nous dans les affaires de la religion et même dans les affaires des coutumes et des traditions qui leur sont particulières. Parce que si on les imite, peu à peu, dans les affaires de la dunya, même dans leurs traditions, eh bien, petit à petit, on va les suivre dans les affaires aussi de la religion par la suite, et notre religion va devenir la même que la leur, c'est-à-dire on va tomber dans le kufr et dans le shirk, nous aussi, petit à petit, sans même s'en apercevoir. Le deuxième point que le cheikh il a mentionné, c'est la question là. فَإِذَا قِيلَ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي يَعْمَلُونَهُ لَوْ تَجَرَّدَ عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا. Hein? C'est là qu'il devrait y avoir deux points. Une des difficultés parfois aussi du fait de lire les livres des salafs et les livres des grands ulama du passé comme Ibn Taymiyyah, c'est que à l'époque, quand les ulama écrivaient, ils n'utilisaient pas les ponctuations qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, tu ne trouvais pas, par exemple, de points d'interrogation, de virgule, hein, des points d'exclamation, ou ces choses-là. Parce que ces choses-là, on les comprend par le texte, en les lisant, puis en comprenant le contexte. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les livres, en arabe, lorsque les maisons d'édition, par exemple, publie les livres de Ibn Taymiyyah ou de Ibn al-Qayyim ou de d'autres imams ou de ulama parmi les salafs, eh bien c'est eux qui rajoutent quand il y a des virgules, des deux points, des points d'interrogation puis des exclamations, c'est des ponctuations qui sont rajoutées en général par les éditeurs ou bien par ceux qui font la vérification des livres. Et donc c'est pour ça des fois que quand tu lis ces livres-là sans retourner à l'aide des ulama pour les comprendre, eh bien, tu peux faire beaucoup d'erreurs parce que tu ne vas pas savoir où est-ce que tu dois t'arrêter, où est-ce que tu dois continuer, où est-ce que tu dois où est-ce qu'il y a une question, où est-ce qu'il y a une exclamation, où est-ce qu'il y a une affirmation, hein? Donc en arabe, à l'époque où les ulama ont écrit ces livres-là, il n'y avait pas de ces signes-là. Et même si on dit qu'aujourd'hui ces exclamations-là et ces ponctuations-là viennent des exemples de qu'est-ce que les koufars ont ramené dans leurs livres, même à l'époque, même en Europe, ces exclamations-là ou ces signes-là n'existaient même pas dans leurs écrits à eux aussi. C'est récent, ça, ces trucs d'exclamations-là. D'accord? Donc c'est pour ça que on a besoin des ulama pour nous expliquer la signification de ces livres-là. Et si ce n'était que, par exemple, si ce n'était pas de l'exemple des explications de Cheikh Al-Fawzan de certains points dans ce livre-là, hein, on aurait de la difficulté à comprendre certains passages. Parce que le Cheikh, il facilite, il simplifie la signification pour nous aider à mieux le comprendre. Hein. Et donc, il dit ici justement, il dit « Qawluhu ». Donc il dit, quand Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, et si on dit que si on faisait juste l'action en question sans vouloir leur ressembler, ce serait pas haram. Si quelqu'un disait ça par exemple, c'est une supposition, et même des fois c'est des paroles qu'on entend de la part de certains parmi les gens qui opposent la sunna. Eh bien le Cheikh il répond, il dit, hey, anna qawlahum innana la naqsudu at-tashabbuh bihim wa huwa min bab al-ihtiyal. وحتى لو لم نقصد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإنه يجب التجنب دون أن يقال نحن لا نقصد كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم ولم يقيد ذلك بنية التشبه بهم. فتح باب شر للناس. فإن طبيعة البشر أن يسارعوا إلى الشر أكثر من إسراعهم للخير. فهذا باب أقفله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فتحه. Donc le cheikh il dit, si on disait par exemple que cette action, quelqu'un il l'a fait, quelqu'un par exemple il imite les koufars, puis quand il imite les koufars, Il dit, ouais, mais moi je les imite, je le fais pas ça pour les imiter. C'est, mon intention, c'est pas de les imiter. Hein? Il dit dans ce cas-là, eux ils disent, si je le fais pas pour les imiter, dans ce cas-là, c'est pas haram. Le cheikh il répond, il dit, non. Hein? De penser comme ça, c'est pas correct. Même si notre intention, c'est pas de leur ressembler. Hein? Parce que ça, ça fait partie des ruses, parfois. Les gens, ils vont dire, ouais, mais je fais ça comme eux, mais c'est pas pour les imiter. Hein? C'est comme par exemple, parfois tu vois par exemple des femmes qui s'habillent, quand elles sortent dehors, elles s'habillent avec des vêtements très serrés ou moulants, ou bien des vêtements transparents. Puis elles disent, mais moi je fais pas, je m'habille pas comme ça pour attirer les hommes. Tu vois? Même si ton intention c'est pas pour attirer les hommes, c'est haram quand même. Tu vois, c'est pas l'intention seulement qui fait que c'est haram. Donc si quelqu'un dit, ouais, mais moi je fais pas ça pour imiter les koufars, tu fais pas ça pour imiter les koufars, même si c'est pas ton intention, c'est haram quand même, parce que c'est une imitation des koufars. Même si tu penses que c'est, même si c'était pas ton intention, tu les as imités quand même. Donc le cheikh il explique ça, il dit, même si tu n'avais pas l'intention de les imiter, c'est quand même interdit, parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'interdit de faire quelque chose, alors c'est obligatoire pour toi de t'en écarter, même si tu dis, nous n'avions pas l'intention de telle ou de telle chose. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de ressembler ou d'imiter, ou de chercher à imiter, allez, ces gens-là, et il n'a pas dit, ou n'a pas restreint l'interdiction à l'intention de vouloir leur ressembler. Hein? Donc si on ouvrait cette porte aux gens, on leur ouvrirait une porte vers le mal, et par nature l'être humain il est plus rapide à aller vers le mal que de se tourner vers le bien. Hein? Donc ça c'est une porte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermée, et il n'est pas permis de l'ouvrir. Ensuite le cheikh il dit, on continue l'explication des paroles d'Ibn Taymiyyah, il dit, قوله فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمالنا من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية. يعني أن أعمال الكفار لا تخلو من أمرين، إما أن تكون كفرا أو معصية، وهذا لا شك في مخالفتهم فيه، إما أن يكون ذلك شعار كفر ومعصية، يعني علامة على الكفر والمعصية وكلا الأمرين ممنوع. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que les kuffars font parmi les choses qu'ils font contraires, hein, ou qui ne font pas partie des qui ne fait pas partie des actions des premiers musulmans? Quand tu vois que c'est des actions des kuffars, c'est soit que c'est du kuffre, il y a du kuffre dans l'action en question, qu'est-ce qu'ils font, ou bien du péché dedans, soit du kuffre ou du péché. C'est-à-dire que les actions des koufars, eh bien, elles ne sont jamais exemptes des deux choses suivantes. Soit de la mécréance ou de la désobéissance à Allah. Et ça, il n'y a pas de doute dans le fait que ce soit quelque chose qui est en contradiction avec l'islam. Donc, soit que, qu'est-ce qu'ils font? C'est un des symboles du kufr et du péché, c'est-à-dire un signe qui indique le kufr ou le péché, ou les deux, hein, ensemble, et ça, il n'y a pas de doute que c'est interdit. Il n'y a pas de doute que c'est quelque chose d'interdit dans l'islam. Il dit, وَقَوْلُهُ وَلَئِنْ نَازَعَ فِيهِ فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُنَازِعَ أَنَّ فِي الْمُخَالَفَةِ فِيهِ أَقْرَبُ إِلَى الْمُخَالَفَةِ فِي الْكُفْرِ. نعم. يعني, أن لا أحد ينازع في أنه تجب مخالفتهم في الكفر والمعاصي. ومخالفتهم في شعاراتهم وعلاماتهم الخاصة كشعارات دينهم كالصليب للنصارى والنجمة لليهود والشعارات الخاصة التي يتخذونها شعارا للعبادة لا أحد ينازع في تجنب هذا لكن الذي يخفى على الناس هو أن هذا وسيلة إلى الكفر وإلا لو علم أن هذا وسيلة إلى الكفر لتجنبها فأكثر الناس يؤتى من جهله. Donc le cheikh il dit que si quelqu'un dispute dans qu'est-ce qu'on a dit, le cheikh Ibn Taymiyyah a dit, je pense pas que quelqu'un va disputer sur le fait que tant que, dans tout ce qu'il y a de qu'est-ce qu'ils font les kuffars, et il y a du kufr et de la désobéissance. Et a dit, si jamais une personne voulait disputer à ce sujet-là, il ne peut pas disputer dans le fait que, yani, plus que tu vas les contredire, plus que tu vas t'éloigner du kufr. Hein? Plus que tu vas les contredire et ne pas les imiter, plus que tu t'éloignes du kufr. Et il dit, le cheikh, qu'il n'y a pas de doute, personne ne peut disputer à ce sujet-là, qu'il est obligatoire de les contredire dans le kufr et dans le péché. Et le fait de les contredire dans leur symbole et dans ce qui fait partie de leur signe particulier, comme par exemple leur signe religieux, comme par exemple de porter la croix comme les chrétiens, ou de porter l'étoile comme l'étoile des juifs, ou d'autres symboles qui leur sont particuliers et qu'ils prennent comme exemple ou comme symbole dans leurs adorations, il n'y a personne parmi les musulmans qui va disputer que ça c'est obligatoire de s'en écarter. Mais c'est possible que cela échappe à certaines personnes. C'est possible que ce qui échappe aux gens, c'est que ces choses-là soient un moyen vers le kufr. Hein? Et si les gens savaient, parce que sinon, si les gens savaient que ça c'est un moyen vers le kufr, les gens s'en seraient écartés. Parce que la plupart des gens, quand ils tombent dans ce genre de problème, c'est à cause de leur ignorance. Voilà, yazoubillah. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa qawluhu, ala tara, anna mutaba'at al-nabiyyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina fi a'malihim, anfa'u wa awla, al-maqsoudu anna at-tashabbuh bil-kuffari fi a'malihim, أشد من التشبه بهم في المواطن التي سكنوا فيها ونزل عليهم فيها العذاب ثم ضرب لذلك مثلا فقال التشبه بالأنبياء والمرسلين والصالحين في أعمالهم وعباداتهم أنفع للمسلمين من التشبه بالكفار. Donc le cheikh explique, Cheikh Al-Fawzan, que Ibn Taymiyyah, il leur a donné un exemple. Il a dit, par exemple, que, n'est-ce pas que, quand on suit les prophètes et les messagers, et les hommes pieux, et les témoins, et les véridiques, dans leurs bonnes actions, c'est plus bénéfique pour nous que de les suivre uniquement dans les endroits où ils ont vécu, et de voir qu'est-ce qu'ils ont laissé comme reliques. Hein? C'est sûr que ça c'est plus bénéfique d'appliquer et de suivre l'exemple que d'habiter là où ils étaient. Des fois il y a des gens qui restent à l'endroit où les prophètes ont vécu et qui font des bid'ah et du shirk. Allah musta'an. Tandis que celui qui habite à très très loin, hein, il est loin de l'endroit où habitaient les prophètes et les messagers. Et puis il suit leur exemple et qu'est-ce qu'ils ont enseigné. Et ça c'est plus bénéfique. Donc c'est ça que le cheikh explique. Il dit que, yani, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que le fait de suivre l'exemple des koufars dans leurs actions, c'est plus grave que de leur ressembler dans le simple lieu où ils ont vécu et où le châtiment est tombé sur eux. D'accord? Donc, c'est pour dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a interdit d'aller vivre là où un châtiment est descendu sur eux, et il nous a interdit de prier dans ces endroits-là. Ok? Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ça. Ça prouve que c'est un mal. Et ça prouve qu'on ne doit pas les imiter dans le fait de partager avec eux ce lieu où ils ont vécu et où ils ont été châtiés. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qui est plus grave? C'est comme si Ibn Taymiyyah, il utilise ça comme un argument contre le fait d'imiter les koufars. Il dit, On n'a pas le droit même d'habiter où ils vont habiter. Mais qu'est-ce qui est plus grave? D'aller habiter là ou de les imiter dans les actions qu'ils faisaient à ces endroits-là qui leur ont fait mériter le châtiment d'Allah? Et le plus grave et le pire, c'est quoi? C'est de faire les actions qui leur ont fait mériter ce châtiment-là. Et donc, dans le sens que peut-être que tu vas t'abstenir d'aller habiter là-bas. Mais comment ça se fait dans ce cas-là? Tu t'abstiens d'aller habiter dans ces endroits-là et tu ne vas pas aller prier là-bas. Mais tu vas ailleurs, habiter ailleurs dans les pays musulmans, mais tu vas faire les mêmes actions qu'ils faisaient. Comme par exemple le shirk, adorer les morts, adorer les tombes. Hein? Et des exemples de ce genre. Et c'est ça qui a fait que ces gens-là ont reçu le châtiment d'Allah. Donc là, c'est comme si en même temps, tu fais ce qui est plus grave encore. Tu t'abstiens d'habiter à l'endroit où ils habitaient, mais tu fais les mêmes choses qu'eux qui sont des actes de kufr et de shirk. Alors que qu'est-ce qui est plus grave, c'est, et qu'est-ce qui est plus obligatoire, c'est de t'abstenir des actions qu'ils faisaient. Donc pour dire, ça c'est comme on disait tout à l'heure, le qiyas al-awlawi. C'est exactement ça comme l'exemple. C'est-à-dire, si ce n'est pas permis d'aller habiter là, c'est encore plus interdit d'habiter ailleurs puis de faire la même chose que ce qu'il faisait comme shirk et comme égarement. Après le shaykh, il dit « Wa aydan mimma huwa sarihun » Ça c'est les paroles de Ibn Taymiyyah. Il dit « Mimma huwa sarihun fi dilalati ma rawahu Abu Dawud fi sunanih وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite d'autres hadiths. Il commence avec ce hadith-là qui est clair et explicite dans ce qu'il indique. C'est rapporté selon Abu Daoud dans son Sunan. Il dit, il nous a rapporté, Othman ibn Abi Shayba nous a rapporté Abu Nadr, que Abu Nadr, yani Hashim ibn al-Qasim, nous a rapporté que Abd al-Rahman ibn Thabit nous a rapporté, que Hassan ibn Atiyya nous a dit, selon Abu Munib al-Jurashi, selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple ou qui imite un peuple est un des leurs. Celui qui imite un peuple est un des leurs. Et ça, c'est une chaîne de transmission qui est bonne. Il dit, فَإِنَّ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبَ النَّظَرَ وَحَسَّانِ ابْنَ عَطِيَّ ثِقَاتٌ مَشَهِيرٌ أَجِلَّةٌ. Donc ces trois narrateurs, Ibn Abi Shayba et Abu Nadr et Hassan ibn Atiyya, sont des thiqat, c'est-à-dire le pluriel de thiqa, c'est-à-dire des rapporteurs fiables, parmi les plus célèbres et les plus honorables. Min rijal al-sahihayn, ils font partie des narrateurs du hadith de Al-Bukhari et Muslim. Wa min ajalli man min wa hum ajallu min an yuhtaja ila an yuqal hum min rijal al-sahihayn. Ils sont encore plus grands que, yani ils sont tellement des hommes tellement grands dans leur science et dans leur piété et dans leur niveau de force dans la sunna et dans l'islam, qu'on n'a même pas besoin de dire qu'ils sont des hommes de qui ont été rapportés parmi les narrateurs de Al-Bukhari et Muslim. Il dit, وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ ثَابِتِ ابْنُ ثَوْبَانِ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينَ وَأَبُو زُرْعَةَ وأحمد بن عبد الله العجلي ليس به بأس وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث Donc il mentionne à propos de Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban que Yahya ibn Ma'in et Abu Zur'a al-Razi et d'autres également, Ahmad ibn Abdillah al-Ajli, ont dit il n'a pas de mal. Et Abdurrahman ibn Ibrahim Duhaym a dit il est thiqa. Et Abu Hatim al-Razi a dit il est droit dans le hadith. وأما أبو أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله الأجلي هو ثقة. Donc Abu Munib il a dit que c'est un ثقة. Qui a dit qu'il est ثقة? أحمد بن عبد الله الأجلي. وما علمت أحدا ذكره بسوء. Il dit je connais personne qui l'a mentionné en mal. وسمع منه حسان بن عطية. وقد احتج الامام احمد وغيره بهذا الحديث. Il a entendu et Hassan ibn Atiyah a entendu les hadiths de lui et l'imam Ahmad il l'a utilisé comme preuve ce hadith ainsi que d'autres également. وهذا الحديث اقل احواله انه يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتوله منكم ومن يتولهم منكم فانه منهم. Donc le cheikh il explique que le hadith en question, celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Le moindre qu'on peut dire des sens de ce hadith, c'est qu'il implique l'interdiction d'imiter les kuffars. Même si son sens apparent implique même la mécréance de celui qui les imite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 51 dans Surat al-Ma'idah, et quiconque les prend pour alliés est un des leurs. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Le Cheikh explique ça, Cheikh Al-Fawzan. Il dit قَوْلُهُ وأيضا مما هو صريح الدلالة ما رواه أبو داود في سننه هذا الحديث أصل في تحريم التشبه بالكفار فهو يدل على أن التشبه بهم في الظاهر يجعل الإنسان منهم ويورث محبتهم وهذا يختلف باختلاف نوع التشبه فقد يكون منهم بمعنى أنه يكون كافرا وذلك إذا تشبه بهم في عبادة القبور أو الاستغاثة بالأموات أو الذبح لغير الله لأن هذا شرك وقد يكون معنى منهم أن يكون مبتدعا بفعله كالدعاء عند القبور والصلاة عندها أو الصلاة عند طلوع الشمس وغير وعند غروبها لأن ذلك وسيلة إلى الشرك وليس هو شركا في ذاته. On va traduire jusqu'ici puis après on va continuer. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit quand Ibn Taymiyyah il dit que ce hadith il est clair dans sa preuve, le hadith rapporté par Abu Daoud, celui qui ressemble à un peuple il est un des leurs, ou qui imite un peuple il est un des leurs, il dit ce hadith est une base et un fondement dans l'interdiction d'imiter les kuffars. Et il dit que cela indique que celui, ou bien cela indique que de ressembler et d'imiter les kuffars, d'imiter les kuffars dans l'apparence, ça fait que quelqu'un devient un des leurs et qu'il commence à les aimer. Il commence à les aimer à cause de ça. Et il dit que ça c'est différent selon la sorte de ressemblance et d'imitation qu'il fait. Il se peut que quand on dit qu'il est un des leurs, c'est dans le sens qu'il est kafir. Dans le sens qu'il est kafir lorsqu'il les imite dans l'adoration des tombes. Ou dans le fait de chercher le secours des morts. Ou dans le fait d'égorger un animal pour autre que Allah. Parce que cela est shirk. Et donc, dans ce cas-là, s'il les imite dans qu'est-ce qui est shirk majeur, eh bien, il devient un des leurs. ou bien que la signification d'un des leurs, qu'il est un des leurs, c'est dans le sens qu'il devient un innovateur en faisant des du'as auprès des tombes, ou en priant là où il y a des tombes, ou en faisant la salat au moment du lever du soleil ou du coucher du soleil, parce que cela fait partie des moyens qui amènent vers le shirk et qui ne sont pas shirk en eux-mêmes. وقد يكون محرما كالتشبه بهم في اللباس والمشي والكلام لأن فعل ذلك يدل على تعظيمهم فإنه ما تشبه بهم إلا لأنه يعظمهم ولا يجوز تعظيم الكفار وقد أهانهم الله. نعم. Donc le cheikh il dit, il se peut également que la signification d'être un des leurs, c'est dans le sens que c'est dans qu'est-ce qui est haram, dans le sens qu'ils ont commis un péché et qu'il est un des leurs dans le péché en leur ressemblant dans qu'est-ce qui est haram, comme de porter des vêtements ou dans la façon de marcher ou dans la façon de parler. Et pourquoi? Parce que ça indique que la personne en question, elle les respecte, elle a un respect pour eux, hein? Parce que la personne, quand elle imite quelqu'un, elle l'imite uniquement parce qu'elle respecte la personne qu'elle imite. Et il n'est pas permis dans l'islam de respecter le kafir et d'avoir un respect pour le kafir alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a humilié et rabaissé. والقاعدة الاجتماعية المعروفة أن الأضعف يقلد الأقوى وأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن ولو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم في الظاهر قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني توليهم كفر وتوليهم كفر. Donc le cheikh il explique que la règle sociale qui est bien connue, Elle explique et elle clarifie que le faible, il essaie toujours d'imiter le fort. Et ça, c'est une règle sociale. Que celui qui est faible, il veut toujours essayer de ressembler au fort et d'imiter le fort. Donc si quelqu'un, par exemple, parmi les musulmans, essaie d'imiter les koufars dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, dans leur façon de marcher, dans leur péché, dans leur shirk et dans leur kufr, eh bien ça indique que dans son cœur il a de l'amour pour eux, dans qu'est-ce qu'il fait de ce qui a rapport avec l'imitation qu'il a pour eux. Que ce soit un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de différence. Et donc, le cheikh il dit que celui qui les ressemble et qui les imite dans leur apparence, eh bien ça indique qu'à l'intérieur de lui-même, il a de l'amour pour eux, dans son cœur. Parce que s'il les détestait à l'intérieur, eh bien il ne leur aurait pas ressemblé ou imité à l'extérieur. Et c'est pour ça que, يعني Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. C'est-à-dire celui d'entre vous qui leur ressemble, pas qui leur ressemble, mais qui les prend pour alliés, hein, qui les aime, alors il est un des leurs. C'est-à-dire que de les aimer, c'est une forme de kufr. De les aimer dans qu'est-ce qui leur est spécifique et qu'est-ce qui est particulier à leur mécréance et à leur kufr et à leur shirk. Hein, parce que si tu les aimes dans qu'est-ce qui est péché, c'est un péché. Si tu les aimes dans ce qui est mubah, hein, ou dans ce qui n'est pas interdit, ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais si tu les aimes dans ce qui est kufr, et dans leur religion, et dans leur shirk, et tu dis je suis d'accord avec leur croyance, dans ce cas-là tu les as pris pour alliés dans le sens que tu es mécréant comme eux. Mais si tu les imites dans ce qui est un péché, dans ce cas-là ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça devient un péché. Donc selon le degré de ressemblance et selon la chose dans laquelle tu les imites, hein, et dans laquelle tu les aimes. Cheikh il dit ensuite, فالتشبه بالكفار آفة خطيرة قد يجر إلى المحظور وإن لم يكن في هو في نفسه محظورا فالمباح الذي يفضي إلى الحرام يحرم سدا للذريعة والحاصل أن التشبه بهم فيما هو دون خصائصهم ممنوع يرحمك الله ممنوع وهو يختلف من ناحية الحكم كما ذكرنا. Donc le cheikh il dit, donc l'imitation des kuffars c'est un grand danger et ça ramène à tomber dans ce qui est haram, même si la chose dans laquelle tu les imites n'est pas elle-même haram, même si c'est quelque chose qui est mubah, même si c'est quelque chose qui est permis dans l'islam, mais le fait de les imiter dans cette chose, ça t'amène vers qu'est-ce qui est haram par la suite, et donc on l'interdit. On interdit d'imiter les kuffars même dans qu'est-ce qui est permis, dans le but de fermer la porte au haram pour ne pas faire tomber la personne en question dans qu'est-ce qui est haram par la suite. Et donc, en résumé, on peut dire que l'imitation des kuffars dans qu'est-ce qui fait partie de leur particularité, ça c'est haram, c'est interdit, c'est pas permis. Et c'est divergent, le verdict est différent selon la sorte de verdict de qu'est-ce que la personne a imité les kuffars dans la chose en particulier dans laquelle il les a imités. S'il les a imités dans une chose qui est shirk ou kufr, c'est une chose. S'il les a imités dans qu'est-ce qui est haram, c'est une chose. S'il les a imités dans qu'est-ce qui est yani mubah, c'est un autre verdict, chacun selon le verdict en question. Et le cheikh il dit wa qawluhu wa hadha al hadith aqall ahwalihi انه يقتضي تحريم التشبه يعني ان هذا الحديث في اقل احوال دلالته يدل على تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر من تشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وكما ذكرنا ان التشبه بهم يختلف من فمنه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة ومنه ما هو محرم ومنه ما هو وسيلة إلى هذه الأشياء فينبغي الابتعاد عن جميع أنواع التشبه فالله قد أكرمنا بهذا الدين وأعزنا به فلا نترك هذه العزة ونتشبه بهم أو نتشبه بمن أهانهم الله وأذلهم. Donc le cheikh il dit que le moins de qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux preuves qui sont au point qui est relié par rapport à l'interdiction de la ressemblance des kuffars dans ce hadith, c'est que ça implique yani qu'est-ce qu'il dit le cheikh, il dit que ça implique l'interdiction de leur ressembler. Donc et si c'est dans qu'est-ce qui est apparent, si on prend le sens apparent du hadith en question, on va même dire que yani c'est kufr, hein? Donc le cheikh il dit le moindre de qu'est-ce qu'on peut dire de ce hadith là, c'est l'interdiction de ressembler au kuffar, même si en apparence le sens du hadith indique même la mécréance de celui qui les imite. Et ça c'est comme dans le verset, dans le verset 51 dans sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque les prend pour alliés parmi vous est un des leurs. » Comme on l'a mentionné, donc à propos de leur ressemblance, le verdict peut être différent. Il y en a des formes de tashabbuh, des formes de ressemblance au kuffar et d'imitation des kuffars qui est kufr, d'autres qui font rentrer dans le bid'a, d'autres qui font rentrer dans ce qui est haram, et d'autres qui peuvent avoir un autre verdict, parce qu'il y en a d'autres ce sera un moyen vers ces choses-là, hein? Quelque chose qui peut t'amener à tomber dans ces différentes catégories-là. Donc, il est obligatoire pour le musulman de s'écarter de toutes ces différentes sortes de ressemblance et d'imitation au kuffar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par cette religion et nous a donné notre force et notre fierté par cette religion-là. Et donc nous ne devons pas abandonner cette puissance et cette force et cet honneur en, leur ressemb- en ressemblant à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a humiliés et rabaissés. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit « وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمر أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة وقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. Donc le cheikh explique que ce hadith qu'on a lu, rapporté par Abu Dawud, il est semblable à celui qui est mentionné selon Abdullah ibn Amr, qui a dit que le messager d'Allah, alors il dit qu'il a dit, ici il n'y a pas mention que c'est un hadith, non, il dit celui qui s'est installé dans la terre des mouchriquins et qui a célébré leurs fêtes et leurs festivals et qui les a imités jusqu'à ce qu'ils meurent, il sera ressuscité avec eux au jour de la résurrection. Donc ça, c'est une parole de Abdullah ibn Amr. Donc, quand on regarde cette parole, le cheikh, il dit, on pourrait prendre cette parole dans le sens de la ressemblance absolue, c'est-à-dire de leur ressembler de façon absolue dans tout, même dans leur kufr et leur shirk. Dans ce cas-là, ça implique la mécréance. Et ça interdit également certaines parts de ce qu'ils font, hein, certaines parties de ce qu'ils font, même si la chose en question n'est pas kufr ou shirk. Hein. Et il dit « وَقَدْ يُحْمَلْ عَلَى أَنَّهُ صَارَ مِنْهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي شَابَهَهُمْ فِيهِ » Et on peut prendre le hadith dans le sens également de dire que la personne, elle leur ressemble dans la partie dans laquelle elle a des choses en commun avec eux et dans laquelle elle les a imités. Si c'est du kufr, c'est du kufr. Si elle les imite dans le péché, dans ce cas-là, c'est dans le péché. Ou si c'est un symbole qui indique le kufr ou le péché, eh bien, dans ce cas-là, ce sera le même verdict que pour cette catégorie-là. Et selon le cas, eh bien, il y a toujours l'interdiction de ressembler à ces gens-là et de les imiter, du fait que c'est interdit d'imiter les kuffars. Et le cheikh, il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, en disant يعني وهو نظير ما ذكره عن ما ذكر ما سنذكره عن عبد الله بن عمر أنه قال من بنى بأرض المشركين. المقصود أن من سكن في أرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وهما من أعيادهم وهما يومان من أيام أهل الجاهلية ومن أيام الفرس والأعاجم حشر معهم يوم القيامة فلا يجوز التشبه بهم في أعيادهم. Donc le cheikh explique, et ça c'est une parole qui s'applique exactement dans notre situation à nous ici, qui vivons au Canada, puisque le cheikh il dit, et le sens de qu'est-ce qu'on a mentionné dans la qu'on va mentionner dans la parole d'Abdullah ibn Amr, qui a dit celui qui s'installe dans la terre des mushrikin. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par là? C'est celui qui s'installe et qui va habiter sur la terre des mushrikin et qui fête leurs fêtes et leurs célébrations, hein, le Neyrouz et le Maharajan en Perse, ça c'est des fêtes de la Perse. Eh bien, peu importe, ici ça peut être Noël, le jour de l'an, Et toutes les autres fêtes que les kuffars fêtent ailleurs ou ici, c'est la même chose, on n'a pas le droit de les fêter. Parce que ce sont des fêtes de la jahiliya, des gens de la jahiliya. Des gens que les fêtes que les gens fêtaient à l'époque des Perses et des étrangers, eh bien ils seront ressuscités avec ceux avec qui ils ont fêté au jour de la résurrection. Et il n'est pas permis de leur ressembler ou de les imiter dans leurs fêtes. Et il dit le cheikh, « وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدَيْنِ عَظِيمَيْنِ عِيدُ الْفِطْرُ بَعْدَ أَدَاءِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانِ وَعِيدُ الْأَضْحَى بَعْدَ أَدَاءِ رُكْنِ الْحَجِّ الْأَعْظَمِ وَهُوَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يحتفلون بالنيروز والمهرجان قال فإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. الشيخ الزي que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans deux grandes fêtes. La fête de Eid al-Fitr, qui se produit après un des piliers, parmi les piliers de l'islam, qui est le jeûne du Ramadan, et Eid al-Adha, qui se produit à la fin du pilier du grand Hajj, hein, c'est-à-dire le fait de se tenir sur Arafah. C'est ça qu'on appelle le Hajj al-Akbar, hein, ou le Hajj al-A'zam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui j'ai parachevé sur vous, ou j'ai complété sur vous votre, pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et le cheikh il dit ensuite que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les gens en train de célébrer Al-Nayrouz et Al-Mahrajan, et il a dit aux gens, Allah vous a remplacé ces deux fêtes par deux jours qui sont meilleurs que ceux-là. Le jour de la fête de Fitr, de Eid al-Fitr, et le jour de Eid al-Adha. Et ça, c'est dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas, radiyallahu anhumah. Il dit ensuite, وَهُمَا خَيْرٌ لِأَنَّهُمَا يعقب أو يعقبان عبادتين عظيمتين فإن العيدين يحصل فيهما عبادة لله عز وجل بالصلاة ولا يكون فيهما وما يكون ولما يكون فيهما من صلة الرحم والصدقة والأخوة وفيهما نظهر الفرح بنعمته علينا ونتوسع فيها في الأكل والشرب وما أحل الله لنا وفيه هذا أو وفي ففي هذا غنى عن أعياد المشركين والأعاجم والكفار التي ليس فيها إلا معصية لله والشرك به والبدع والشرور واللهو واللعب ففي الإسلام أعياده يعني وأعياده ففي الإسلام وأعياده ما يغني عما عند أعدائنا ولله الحمد والمنة. Donc le cheikh il explique que ces deux adorations de Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ces deux fêtes viennent après deux grandes adorations parmi les adorations de l'islam, c'est-à-dire le jeûne du Ramadan et le Hajj. Et il dit que dans ces deux grandes fêtes, il y a de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a aussi le fait de garder les liens de parenté, il y a aussi le fait de faire des dons, hein, de donner, de faire des gestes de charité et d'aumône et de fraternité. Et il y a dans ces deux jours, dans ces deux fêtes, également de la réjouissance et de la joie pour la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur nous, hein, et dans lesquelles on fait yani, preuve de plus de générosité et de largesse dans la nourriture et dans qu'est-ce qu'on boit également, des breuvages que Allah nous a rendus licites. Et il y a dans ça yani, tout ce qui peut nous suffire comme fête, comme célébration de ce que peuvent faire les mouchriquines et les kuffars et autres. C'est-à-dire que dans ces deux fêtes qu'on a, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, il y a tout ce qui nous suffit comme célébration. Tandis que dans les fêtes des kuffars et des ajim, des étrangers, il y a uniquement de la désobéissance à Allah et du shirk avec lui et des innovations et du mal et des jeux et des divertissements. Et donc dans l'islam et dans les célébrations de l'islam, il y a ce qui nous suffit et qu'est-ce qui est suffisant pour nous et qui fait qu'on peut se passer complètement des célébrations des kuffars et des ennemis de l'islam. Et c'est à Allah qu'appartient la louange et la faveur et la grâce. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَقَوْلُهُ كَانَ مَعَهُمْ حَتَّى يَمُوتُ » يعني استمر في مساكنهم ومشاركتهم في أعيادهم يعني استمر في مساكنتهم ومشاركتهم في أعيادهم فلأجل ذلك يحشر معهم أو يحشر معهم يوم القيامة وهذا وعيد شديد ولأجل ذلك أوجب الله الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين ونهى عن إقامة المسلم بين ظهراني المشركين ولقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين وهو يقدر على الهجرة. Donc le cheikh il dit que la personne donc qui vit, qui s'installe et qui va habiter chez les kuffars, comme ceux qui viennent habiter aujourd'hui, quittent les pays musulmans pour aller s'installer en Europe ou en Amérique du Nord, dans les pays des non-musulmans. Allahu al-musta'an. Et qui fêtent leur fête, hein, célèbrent leur fête. Et ils habitent avec eux dans leur pays, ils célèbrent leur fête. Il va, yani, à cause de ça, être ressuscité avec eux au jour de la résurrection. Et ça, c'est une menace sévère. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de faire la hijra et de quitter les pays de kufr vers les pays de l'islam pour s'enfuir avec notre religion. Et il a interdit aux musulmans de s'installer parmi les mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est certes désavoué du musulman qui s'installe parmi les mouchriquins alors qu'il est capable de faire la hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué des mouchriquins qui s'installent désavoué des musulmans qui s'installent parmi les mouchriquins alors qu'il est capable de faire la hijra. Il dit wa qawluhu faqad yahmilu hadha ala at-tashabbuh yani al-mutlaq fa in yani faqad yahmilu hadha ala at-tashabbuh al-mutlaq fa innahu yujibu al-kufr ay qad yuhmil قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على أكثر من معنى يعني قد يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على أكثر من معنى فقد يحمل قوله منهم على أن المتشبه بالكفار كافر، ويحتمل أنه منهم في بعض الأشياء وليس في كل الأشياء، وإنما هو منهم في بعض ما يشابههم بهم أو ما يشابههم فيه. Donc le cheikh il dit, il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et c'est possible qu'on puisse comprendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs façons. C'est-à-dire que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir plusieurs significations. Et on peut la prendre dans le sens, quand il dit « minhum », c'est-à-dire de faire partie d'eux, ça peut être dans le sens que la personne en question, elle est mécréante parce qu'elle les a imités dans leur mécréance, ou bien dans le sens qu'il est un des leurs ou qu'il fait partie d'eux, hein, parce qu'il les imite dans une partie de ce qu'ils font, ou dans un aspect de ce qu'ils font, et non pas dans toutes les choses. Et donc dans ce cas-là, il les imite uniquement dans les choses dans lesquelles il leur ressemble. Et le verdict peut être différent selon le cas, comme on l'a expliqué déjà. Et donc il dit le cheikh, wa qawluhu wa bi kulli halin fa yaqtadi تحريم التشبه أي أن العلة الجامعة هي التشبه، وهو تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم منهم، فقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رتب الحكم على التشبه بهم. Donc le cheikh il dit que dans tous les cas, ça implique l'interdiction de ressembler au kuffar. Et il dit, c'est-à-dire que la cause qui réunit toutes les raisons pour lesquelles on veut ressembler au kuffar, la raison de l'interdiction qui est mentionnée derrière ça, du fait que la personne qui le fait, il est un des leurs. Hein? Il dit فقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم، يعني il a, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui ressemble à, ou imite un peuple, il est un des leurs. Il a relié le verdict de ça à la ressemblance au kuffar. Et donc c'est la preuve que d'imiter les kuffars, c'est interdit. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continue, inshallah, au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.